En Corée, l'Institut de médecine près le ministère de la Santé publique et le groupe des chercheurs de l'Université de technologie Kimtae ont mis au point en commun le dispositif de mesure de l'environnement atmosphérique conforme à la situation du pays. Les chercheurs ont élaboré un nouveau système d'observation de la pollution atmosphérique en temps réel, capable de mesurer intégralement les matières polluées dans l'atmosphère, la température et l'humidité, et exploiter en un court laps de temps le classeur discernant les éléments nocifs au corps humain au milieu de la poussière dans l'atmosphère. On a vérifié que la précision de tous les indices de mesure du nouveau dispositif a atteint le niveau mondial. Avec le prix de revient bas, il permet de mesurer correctement les matières polluées dans l'air en état de microdensité.